Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée aux rebelles à l'occasion des rendez-vous de l'histoire de Blois qui ont choisi ce thème cette année. Et nous vous invitons donc à venir nous rejoindre dès demain donc pour l'émission ainsi que pour les matins de France Culture à l'auditorium de l'Abbé Grégoire. Aujourd'hui, le débat tournera autour d'une question: qu'est-ce qu'un historien rebelle ? Le rendez-vous de l'histoire s'ouvre aujourd'hui avec la conférence d'un grand historien des luttes et des rébellions d'avant la Révolution française, Jean Nicolas, auteur de La Rébellion française, justement. Ces rendez-vous s'ouvrent également avec une polémique qui produit chaque jour des tribunes, des prises de position sur Mediapart dans Le Monde, et cet après-midi en particulier dans Le Monde, donc des débats à propos de l'invitation du philosophe Marcel Gauchet pour la leçon inaugurale de Blois, une invitation contestée depuis cet été par ce philosophe ou historien qui pense que Marcel Gauchet n'a rien d'un rebelle. Mais qu'est-ce qu'être un historien rebelle, et rebelle à quoi ? Quelle est la longue histoire qui a permis aux successeurs des historiographes du roi de s'autonomiser du pouvoir ? C'est ce que nous allons vous raconter ce matin avec Anaïs Quien, qui a préparé cette semaine avec nous, avec Philippe Minard. Il est professeur d'histoire économique et sociale à Paris 8 et à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est animateur de la revue d'histoire moderne et contemporaine, la RHMC. Gérard Noiriel est également avec nous. Il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et on vient de rééditer chez Belin Penser avec, penser contre. Et Olivier Dumoulin est également avec nous. Il est professeur d'histoire à l'université de Caen, auteur du rôle social de l'historien il y a quelques années et également d'une biographie de Marc Bloch. Et nous aurons également avec nous Michel Rio-Sarcé, professeur émérite à Paris 8. Bonjour à vous Anaïs Quien. Bonjour. Bonjour Philippe Minard. Bonjour. Bonjour à vous Gérard Noiriel. Bonjour. Et bonjour Olivier Dumoulin. Nous attendons bonjour. Dans un instant Michel Rio-Sarcé qui va nous rejoindre. Alors Olivier Dumoulin, si on démarre entre le 18e et le début du 19e siècle sur la figure de l'historien, il faut se souvenir que l'historien, sous l'Ancien Régime en tous les cas en France, est un historiographe, mais historiographe de pas n'importe qui, historiographe du roi. Enfin, pas tous les historiens, mais il existe depuis la fin du XVe une charge, celle d'historiographe royal, et une charge qui est d'ailleurs peut-être détenue par plusieurs historiens concurremment. Hein. Historiens qui d'ailleurs pour certains n'étaient pas historiens à l'origine, on le rappelait tout à l'heure entre nous, Racine a été historiographe du roi par exemple, avant de se remettre à la tragédie pendant une interruption. Et c'est un classique finalement, si on pense aux analystes chinois, ils sont exactement dans cette position. Ils sont les dépositaires même de la geste dynastique qui n'existe que parce qu'il y a justement des historiens pour en rendre compte. Donc c'est une constante, en tout cas un cas relativement courant, que celui de voir des historiens institués véritablement au cœur du dispositif d'État pour rendre compte de la geste de l'État. C'est ainsi que le fameux Mézeray, par exemple, qui a été longtemps historiographe du roi, dont Voltaire disait qu'il était plus hardi qu'exact, eh bien Mézeray avait, par exemple, validé la naissance troyenne de la dynastie donc, des rois de France, par exemple, pour pouvoir justifier justement une longue tradition qui faisait remonter le royaume de France à Troyes. Alors que dès le XVIe, on en avait fait litière avec Étienne Pasquier. Il faut quand même le dire, c'était déjà passé au rayon des vieux accessoires. Mais néanmoins, donc, il y avait cette position près du roi de celui qui donc, devait dire, comme vous le disiez tout à l'heure, Olivier Dumoulin, la geste du roi. Gérard Noiriel, c'était donc un moment un peu particulier dont on peut penser qu'il a été transformé, mis à l'écart par l'arrivée du XIXe siècle ou pas du tout, Gérard Noiriel ? Je crois que ce qui est très important, c'est l'autonomisation de la réflexion historique, c'est-à-dire avec la montée aussi en puissance de la philosophie des Lumières et de la science, enfin l'idéal scientifique qui repose sur l'autonomie, donc des savants, des compétents. Et donc ce qui se passait avant, c'est plutôt de l'ordre de la mémoire, hein, c'est toute la distinction qu'on peut faire, mais elle n'est pas... Il n'y a pas de consensus là-dessus, mais entre histoire et mémoire. C'est-à-dire la mémoire est quand même portée aussi par une volonté d'exalter un passé, de conforter une identité, alors que l'histoire comme démarche scientifique a par définition, est une posture rebelle par rapport, je dirais, à la mémoire, parce qu'elle introduit une distance critique. Vous la datez de quand, cette posture rebelle, vous-même, Gérard Noiriel ? Disons que je pense que la science de l'histoire en France, en tout cas, se structure au début de la Troisième République, et c'est un des acquis, justement, de la, on l'oublie souvent, hein, mais de la République, à mon avis, de la démocratie républicaine telle qu'elle se met en place dans les années 1880-90. Est-ce que vous voulez dire qu'à pluralité d'opinions correspond débat, pluralité de vision du passé en particulier, donc pluralité d'opinions sur la société contemporaine de l'époque, donc de la fin du 19e siècle, et en même temps pluralité des visions du passé ? Oui, c'est-à-dire déjà, il y a une autonomie entre, je dirais, un savoir spontané que nous avons tous par rapport au passé, qui relève de la mémoire, et puis un savoir spécialisé, qui nécessite aussi d'avoir fait des études, d'avoir une compétence, ce qu'on appelle la méthode historique, les archives, et aussi la question, quel type de question on pose au passé. Toutes ces notions-là, elles se structurent vraiment à la fin du XIXe siècle, avec l'apparition des revues spécialisées, une communauté de compétences, comme on dit. Donc tout ça, ce sont des acquis qui définissent l'historien, mais le mot historien, il est complètement polysémique aujourd'hui, donc c'est tout un enjeu. On cherche une définition au mot rebelle, il faudrait aussi trouver une définition au mot historien. On va y revenir un peu plus tard avec vous et avec tous nos autres invités. Philippe Minard sur cette question. Justement, le moment de la Troisième République est un moment intéressant parce que contradictoire. D'un côté, on a une fonctionnalisation et une professionnalisation des historiens qui leur garantissent, grâce au statut de fonctionnaire d'État, une certaine autonomie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas le lieu de l'asservissement, mais c'est précisément le lieu de l'autonomie, parce qu'une indépendance vis-à-vis des problèmes de leurs revenus. Et en même temps, c'est le moment où les historiens prennent en charge, les historiens républicains prennent en charge la construction d'un roman national de la France et de la République. Mmh. Et donc là, on a vraiment une contradiction, parce qu'on a Ernest Lavisse, qui est l'instituteur par excellence du roman national, et au moment même où la profession se structure et où la communauté savante, comme l'a rappelé Gérard Noiriel, peut se définir comme étant le lieu où va se construire, par le débat contradictoire de gens indépendants grâce à leur statut, va se construire une discussion critique et une forme de mise à l'épreuve de la vérité par la discussion critique dans la communauté savante. Michel Rieux-Sarcé, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure Gérard Noiriel et sur cette justement autonomisation liée à la République de la discussion donc historique et du débat historique et de la position des historiens par rapport au pouvoir en particulier. Je compléterai simplement ce qu'a dit Gérard Noiriel, parce que incontestablement, à partir de la fin du XIXe siècle, l'histoire devient une histoire particulièrement importante et essaye de repenser l'histoire de manière globale. Mais c'est aussi une histoire académique. Et il me semble que je remonterai un petit peu en amont pour essayer de comprendre comment, je ne dirais pas l'histoire rebelle, parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça voudrait dire au XIXe siècle, mais l'histoire critique. Mmh. Et l'histoire critique, elle a été prise en charge par bon nombre d'intellectuels du moment, enfin d'intelligence, aurait dit Balzac, et particulièrement par lui, puisque dès son roman sur les paysans, donc nous sommes en 1840, commence à critiquer l'histoire officielle en s'intitulant historien des mœurs. Mais alors là, vous compliquez l'affaire, parce que si Balzac est généralement considéré comme un conservateur et est un rebelle de l'histoire, c'est compliqué. Écoutez ce que je vais dire, parce qu'il explique que par rapport à l'histoire officielle, l'historien des mœurs doit rendre tout probable, même le vrai. Alors que l'historien classique s'intéresse aux faits sous prétexte qu'ils sont advenus. Même, ajoute-t-il, l'impossible. Alors, phrase extrêmement énigmatique, mais particulièrement éloquente quand on connaît la façon dont l'histoire s'est faite immédiatement après l'événement. Celle de 1830, celle de 1848. Et je crois que ce point de vue de Balzac était un point de vue du critique. Doute. Et du doute. Et du doute, effectivement. Du doute par rapport à une vérité supposée établie. Supposée établie, qui était en train de s'établir. Elle s'établit à la fin du XIXe siècle. Olivier Dumoulin. On peut revenir justement sur ce moment, même légèrement avant Balzac, parce que s'il y a un moment où les historiens sont rebelles, mais par position de principe, c'est la Restauration. Sous Louis XVIII, sous Charles X, la censure explique le repli vers l'histoire comme lieu de l'affirmation de la dissidence politique. Mmh. C'est-à-dire que ces historiens qui nous semblent parfois extrêmement rancis, je ne sais pas, comme Augustin Thierry, si on veut, Adolphe Thiers aussi. Il n'est pas considéré comme rancis à cette époque-là. Oui, non, non, exactement. Mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Et à l'époque, pas du tout. À l'époque, Augustin Thierry, c'est très clair. On fait de l'histoire parce qu'on c'était abondamment montré, parce qu'il n'y a pas d'autre terrain d'expression de la vision politique. Donc, par exemple, pour la génération des années 1815-1830, l'histoire est rebelle par nature, puisque l'autre terrain sur lequel on pourrait s'exprimer est carrément bloqué. Alors évidemment, les choses changent quand, après la Révolution de Juillet, ce sont souvent des historiens, à commencer par Guizot, qui prennent le pouvoir. Qui créent des institutions de mémoire. Et donc déjà, déjà une première fois, avant même la Troisième République, l'ambivalence de la situation des historiens, dont leur reconnaissance donne de l'indépendance, mais qui en même temps sont patronnés par les autorités publiques. Oui, mais c'est Guizot qui commence à faire l'histoire officielle. C'est Anaïs Kien. Oui, Sophie Vanish a publié un article il y a quelques jours, il y a une petite semaine dans Le Monde, où elle proposait une analyse de cette notion même de rebelle, celui qui recommence la guerre. Et lorsque vous parlez justement de la restauration, Olivier Dumoulin, à titre d'exemple, parce qu'on pourrait prendre d'autres moments historiques, mais est-ce que finalement l'historien critique, l'historien rebelle, ça n'est pas celui qui a perdu le pouvoir ? Celui qui fait partie du parti politique qui a perdu le pouvoir. D'un certain point de vue, par oui. définition. Michel Rieu-Sarcey. Oui, d'un certain point de vue, oui. Celui qui ne dispose pas des rênes du pouvoir de penser la situation globale et notamment le politique en général. Donc le rebelle, c'est celui qui s'insurge en quelque sorte contre cette histoire officielle. Mais Guizot n'a jamais été véritablement un historien rebelle. C'est lui qui impose l'histoire officielle. Alors, il y a donc ce long 19e siècle, on a parlé déjà de cette Troisième République, de la façon dont la Troisième République allait chambouler peut-être cette vision de l'histoire, instaurer des règles de plus en plus sévères pour le travail de l'historien, et puis aussi offrir des places, offrir des places dans une institution, une université qui devient de plus en plus importante au sein de cette République. Gérard Noiriel, est-ce que là, à ce moment-là, les historiens qui donc participent, qui ont des convictions républicaines, mais il y en a aussi qui n'en ont pas, prennent des postes, occupent des postes dans l'université qui leur donnent un semblant de pouvoir, et de pouvoir qui peut être soit critique, soit au contraire pour aller dans le sens du pouvoir de l'époque, Gérard Noiriel. Je dirais, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut aussi, dans les contradictions de la Troisième République, faire la distinction entre recherche et enseignement, hein, parce que ça joue beaucoup autour de ça. Et tous ceux qui ont une étiquette d'historien ne sont pas forcément les plus légitimes du point de vue de la recherche en tant que telle. Il y a beaucoup, on l'a vu, etc. Ce sont des enseignants, des enseignants. Et effectivement, la logique politique de la Troisième République passe beaucoup par l'enseignement, en laissant une certaine liberté, disons, de recherche aux thésards, etc. Mais en même temps, effectivement, l'autonomie, ça ne veut pas dire l'indépendance. C'est-à-dire qu'il y a un changement des formes d'affiliation et donc les historiens sont dépendants, en tant que fonctionnaires, même s'il y a une autonomie, sont dépendants, finalement, de l'État dont ils font partie, d'où toute une série de choses qui ne sont non vues, qui rentrent dans les préjugés, les présupposés nationalistes, sexistes, de classe aussi, qui font que l'histoire et les rebelles, entre guillemets, de l'histoire, à chaque génération, ont montré les limites de l'objectivité que les précédents prétendaient incarner. Donc il y a une dynamique qui est interne à la discipline, mais qui doit obéir à un certain nombre de règles pour être prise au sérieux à l'intérieur de la discipline. C'est ça qui va faire une différence entre des historiens, j'allais dire amateurs au sens large du terme, qui ont toujours été d'ailleurs majoritaires, hein, même au XIXe siècle. Mmh. On parle de Michelet, etc. Mais l'essentiel, c'était des curés ou des notables qui faisaient de l'histoire. C'était ça le plus grand nombre d'histoires, de livres qui étaient vendus. On est toujours dans cette logique-là. C'est ça qu'il ne faut pas oublier quand on parle du pouvoir de l'historien. C'est souvent dur à avaler quand on voit le peu, finalement, de pouvoir et d'impact qu'on a dans les On viendra sur les conditions publics contemporaines, mais donc, c'est vrai que ça prend sa racine à ce moment-là. C'est quand même extrêmement une parole spécialisée, forcément toujours minoritaire dans nos sociétés. Olivier Dumoulin et puis Michel Rieu-Sarcey. Je vais revenir sur une distinction qu'a induite Michel Rieu-Sarcey, c'est les différences entre l'historien officiel et l'historien qui est du côté du pouvoir. On peut être du côté du pouvoir sans avoir une place officielle. Et ça se voit très bien dans les élections universitaires de la Troisième République. Quand on songe au cas d'Albert Mathiez, père d'une certaine histoire de la Révolution française, jugée dominante et ringarde par François Furet. Mais lui, c'est exactement l'inverse. C'est un proscrit. Il aura un mal fou à être suppléant de la chaire d'histoire de la Révolution française à la fin des années 20, et il sera battu par quelqu'un qui, dans ses lettres de recommandation, historien honorable, Sagnac, mais néanmoins, se vante d'être apolitique, c'est-à-dire du côté de la parole dominante, en clair. Voilà, donc on voit très bien, et inversement, un historien qui deviendra un historien académique, dont nous trouvons bon de sourire, Louis Madelin, lorsqu'il soutient sa thèse, dit « J'ai été victime de l'oppression de ce groupe dominant », il désigne Glavis. Il dit « Voilà, il a cassé ma soutenance de thèse et c'est à cause de ça que j'aurai pas de poste ». Donc on voit bien, il n'y a pas de place officielle. En revanche, il y a effectivement être du côté dominant qui soit universitaire, soit à la fois universitaire et politique, comme c'est le cas sous la Troisième. Michel Rieu, oui, ils ont eu un rôle extraordinaire en tant qu'enseignants. Alors en plus, l'histoire était foisonnante, l'histoire était européenne, l'histoire de l'Europe en particulier, l'histoire aussi de la nation française. Et je me souviens, parce que ça m'a marqué quand je faisais mes études, de ce fameux texte de Seignobos qui expliquait que le socialisme, par exemple, comme le féminisme d'ailleurs, venait de l'extérieur. Et il ajoute, virgule, une phrase, Marx, en particulier le juif, Marx. Donc cette relation enseignante, et ils ont eu incontestablement un pouvoir très important, a été considérable pour l'histoire en France, a imposé un mode de pensée et effectivement, c'est le roman national qui est né là. Oui, mais en même temps, a imposé une place peut-être différente des historiens français dans la sphère publique, une place de conseiller, de gens qu'on va voir régulièrement quand on est dans un politique, de rédacteurs de discours, de choses comme ça, qui est une place particulière. Je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays, Philippe Minard, mais en tous les cas, il y a eu un pouvoir induit de la présence de ces historiens dans cette Troisième République en particulier, qui était assez fort, puisque d'une certaine façon, ils ne faisaient pas que rédiger les manuels qui allaient faire les Français de demain, mais ils étaient aussi auprès des dirigeants, des présidents, des premiers ministres, des présidents du Conseil, etc. Philippe Minard. Tout à fait, mais n'oublions pas aussi que ces historiens de la Troisième République, y compris pas seulement les pédagogues nationaux, mais aussi les chercheurs, sont dans une compétition avec la sphère intellectuelle allemande et que cela structure beaucoup de choses. Lorsque dans le premier numéro de la revue historique, Gabriel Monod écrit « L'étude du passé de la France, qui sera la principale portée de notre tâche, a aujourd'hui une importance nationale. C'est par elle que nous pouvons rendre à notre pays l'unité et la force morale dont il a besoin. Nous sommes en 1876 et évidemment, c'est la question de la concurrence avec l'Allemagne qui est posée. Et cela pèse très très lourdement sur la manière dont s'est structuré le champ historique en France à ce moment-là. Gérard Mariel ? Oui, c'est vrai qu'on oublie aujourd'hui un petit peu cette dimension qui était une forme de, je dirais, pour ne pas dire de nationalisme. De patriotisme. Hein, c'est comme patriotisme. Vidal d'Abla, etc. C'est une forme de ce qu'on appelait le patriotisme, ce qui faisait qu'il y a une contradiction qu'on peut mesurer facilement dans la notion même d'objectivité, puisqu'on parle en même temps d'une science universelle et à chaque fois on peut mesurer. Avec des processus mesurables. Par un point de vue qui est, voilà. C'est ce que dénonce Marc Bloch, immédiatement. Alors justement, vous qui êtes biographe de Marc Bloch, spécialiste de ces années 30, entre autres Olivier Dumoulin et de ces historiens de l'entre-deux-guerres, est-ce que quelque chose change, par exemple, avec l'arrivée d'une revue comme les Annales ? Est-ce que cette notion-là... Ça change avant. Je renvoie à un texte de Lucien Febvre qui est sa leçon inaugurale dans la chaire d'histoire moderne de la faculté de Strasbourg en décembre 19 et qui est publié dans la revue de synthèse historique au début de 1920, dans lequel il dit... Grosso modo, on ne sera plus jamais au service de la nation. C'est là où on parle de l'histoire serve. De l'histoire serve. Voilà. Nous ne serons plus jamais les desservants. À quoi sert l'histoire ? D'un évangile national fraîchement débotté. Donc, et c'est de quoi il parle, puisqu'effectivement, il vient de quitter l'uniforme. Donc, en l'occurrence, c'est doublement débotté, physiquement et mentalement. Donc, déjà, la rupture, elle existe bien. La fondation de la revue n'est elle-même que l'un des épisodes de cette rupture qui avait été introduite par certains avant la guerre, parce qu'on peut montrer qu'il y a une crise profonde du champ historiographique avant 14, face à la sociologie, face aux attaques de l'Action française qui sont loin d'être secondaires à l'époque, puisqu'elles se revendiquent de Fustel de Coulanges, ce qui pour les historiens universitaires n'est quand même pas n'importe quoi. Donc cette crise, elle était en germe, et là, d'un seul coup, comment est-ce qu'on fait? Et juste un petit mot supplémentaire, c'est que le problème se déroule dès l'affaire Dreyfus. Quand on voit que l'AVIS demande aux Dreyfusards, nombreux parmi les historiens, de signer une pétition pour l'arrêt des hostilités au moment du procès de Rennes, parce que la méthode ne peut pas se diviser. Or, on sait qu'il y a des historiens Dreyfusards et des historiens anti-Dreyfusards dans l'analyse même des supports matériels qui ont servi de preuve au tribunal militaire. Donc, en fait, pour monter en arrière, il y a véritablement une crise parce qu'il faudrait être tous unis pour que l'histoire ait une voix audible. Voilà donc Lully, en l'occurrence, un extrait du Bourgeois Gentilhomme, bien entendu, l'entrée des Scaramouches, Trivelin et Arlequin par le Concert des Nations. Ça nous ramène à ce XVIIe siècle dont on a commencé à parler dans la Fabrique de l'Histoire pour évoquer cette position de l'historien. Est-ce que l'historien est peut-être rebelle? Et rebelle à quoi? Rebelle au pouvoir au singulier, ou rebelle au pouvoir au pluriel, et à quel pouvoir? C'est ce dont nous discutons dans la Fabrique de l'Histoire aujourd'hui, dans le cadre de cette semaine consacrée aux rebelles, à l'occasion des rendez-vous de l'histoire de Blois, donc avec Anaïs Quin, avec Gérard Noiriel, Olivier Dumoulin, Michel Rio-Sarcé et Philippe Minard. Gérard Noiriel, vous vouliez tout de même rappeler qu'on a évoqué juste avant ce morceau de Lully les annales, on a parlé de Lucien Febvre, que Marc Bloch était important comme figure un peu tutélaire de ce qu'était, ce que pouvait être un historien, entre guillemets, rebelle. Oui, parce que quand même au sein, c'est pour ça que quand on dit l'historien qu'un grand H, évidemment, le pluriel s'impose toujours, puisqu'on peut voir que dans des moments clés de l'histoire politique de la France, les comportements ont pu être complètement différents. Regardez sous Vichy, voilà, un exemple de enfin, je ne sais pas si c'est le mot rebelle qui convient, c'est résistant, hein, le mot officiel. Et Marc Bloch a été fusillé par les nazis pendant la résistance, alors que dans la même période, vous aviez Carcopino, par exemple, qui était de tout à Jérôme Carcopino, voilà, grand historien de Rome, qui était donc aux responsabilités au régime de Vichy. Sous Vichy. Donc voilà, donc c'est aussi, je trouve, très important qu'on puisse tracer une sorte de filiation par rapport aux grandes figures de notre discipline. Et ça veut dire que quand on est historien aujourd'hui, on cherche comme cela des sortes de grands ancêtres et on fait son arbre généalogique. Et comme chacun faisant son arbre généalogique, on préfère un tel à un tel pour pouvoir être notre propre ancêtre, Gérard Noiriel? Je crois, ça c'est un petit peu personnel, mais je crois qu'on a tous besoin quand même de héros. Hein, quand on décide, quand on espère, ou qu'on décide d'aller... Je garde la phrase, on pourrait la garder entre guillemets, on a tous besoin de héros de Gérard Noiriel, c'est intéressant. Oui, mais je crois qu'on a... quand on commence, on s'identifie à des figures auxquelles on a envie de ressembler, parce que c'est quand même pas mal d'efforts, de travail, d'abnégation, pouvoir se faire une place dans ce métier, et puis dans les choix aussi des objets de recherche, mm-hmm. qu'on comprend. Là, c'est forcément, on aura entre les héros, oui, je pense qu'on s'identifie à des figures, et pour mon cas, c'était Marc Bloch, bien évidemment. Olivier Dumoulin, puis Michel Rio-Sarcé, Olivier Dumoulin. C'est céder au péché mignon de l'historien, dire c'est plus compliqué que ça, en général, c'est ce qu'on dit toujours, hein, surtout quand on croise un sociologue. Bon, mais par exemple, Marc Bloch, c'est très intéressant. À la fois, il est d'une conformité totale. Fils du professeur d'histoire romaine à l'École normale supérieure, puis à la Sorbonne, il dit que ses fiches même, il a poursuivi les fichiers de son père. On peut difficilement faire mieux. Soldat, on ne peut plus obéissant. Et il s'en flatte, il s'en targue. Et en même temps, je suis tout à fait d'accord avec Gérard Noiriel, résistant à l'ordre historiographique, ils fondent les annales, résistant à l'ordre de Vichy. Donc c'est intéressant de voir comment ces jeux amènent des positions successives. Michel Rieu-Sarcey. Oui, je ne sais pas si on a vraiment besoin de héros, mais moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture de l'histoire critique, parce que je n'en vois pas d'autres, et histoire critique veut dire histoire subjective, c'est tout simplement d'essayer de restituer les tensions du moment avec le sens des mots que les gens et que les individus donnaient. Par exemple, j'ai tendance à privilégier dans l'écriture de l'histoire Pierre Leroux plutôt que les grandes figures que l'on connaît, parce que Pierre Leroux, tout simplement, a donné un sens. Une histoire socialiste, il faut dire. Non, une histoire plus globale, puisque Pierre Leroux a donné un sens au mot liberté qui n'avait strictement rien à voir avec ce qui sévissait à cette époque. Et du même coup, je retrouve là pratiquement une actualité qui renaît aujourd'hui. Donc, restituer les tensions et puis surtout faire en sorte de donner aux acteurs le rôle de sujet de l'histoire qu'ils avaient mais qu'ils n'ont pas gardé par l'écriture de l'histoire plus tard. Philippe Minard. En même temps, je crois qu'il nous faut résister à la tentation de pratiquer l'histoire comme des justiciers. Même si on peut comprendre la sympathie pour certains personnages ou pour certaines catégories d'acteurs de l'histoire, même si, comme Edward Thompson, on peut vouloir écrire sur les ouvriers pour les sortir de l'immense condescendance dans laquelle la postérité les a plongés, nous ne sommes pas des justiciers. Et je préfère comme définition de l'historien celle que donne Eric Hobsbawm lorsqu'il dit « À partir du moment où l'histoire est fournie des matériaux pour construire la légitimité politique et nationale, moi, ce que je veux faire et la manière dont je vois l'histoire, c'est que je me vois en destructeur des mythes, en briseur de mythes, en déconstructeur des mythes. Indépendamment des sympathies que peut avoir l'historien est toujours quelqu'un qui va dire « c'est plus compliqué » et va écorner le mythe. Je crois que c'est ça la contribution critique et civique de l'historien. Ça ne fait pas de lui nécessairement un justicier. Mais cette parole, par exemple, que vous citez, d'historien britannique, qui était Eric Hobsbawm ou encore Thompson, c'est une parole qui a porté ou qui n'a pas porté, y compris dans les institutions britanniques de l'époque, et parce qu'ils étaient marxistes, parce qu'ils avaient une revue qui était une revue critique, justement, de l'histoire, Past and Present. Ça a porté dans les institutions et ça a porté en dehors du pays et de la Grande-Bretagne en particulier, Philippe Minard, ou pas ? C'est compliqué. La fondation de Past and Present par les historiens du Parti communiste britannique en 1952 est pour nous rétrospectivement une étape très très importante parce qu'elle a permis d'installer et d'instiller progressivement une façon de regarder l'histoire qu'ils ont appelée l'histoire par en bas. L'histoire qui n'est plus l'histoire des milieux officiels et des antichambres des ministères ou des parlements, telle qu'on l'a pratiquée en Angleterre à l'époque de Namier, par exemple. Ils se sont construits précisément contre cette vision d'une histoire limitée aux sphères du pouvoir. Hobsbawm a écrit sur les primitifs de la révolte. Thompson a écrit sur les ludites, mais les briseurs de machines. Les briseurs de machines. Mais en même temps, il ne faut pas que l'on, même si pour nous, c'est très important la rupture qu'a introduit Past and Present et la façon dont ça a permis le développement de l'histoire sociale en Angleterre, il ne faut pas surestimer la portée qu'ils ont eue immédiatement et ne pas oublier que Hobsbawm n'a eu de poste fixe dans une université anglaise qu'en 1971, que Edward Thompson a commencé comme formateur des ouvriers à la poésie et à l'histoire dans des cours du soir à Leeds, qu'il a brièvement été en poste à l'université de Warwick, dont il a démissionné parce qu'il trouvait qu'elle laissait trop de place au pouvoir de l'argent. Et Thompson a fini quand même avec dans une certaine pauvreté, en dehors des bancs de l'université. Georges Rudet, parce qu'il était au Parti communiste, n'a pas trouvé de poste en Angleterre et il a fallu qu'il ait l'immense chance du soutien d'universitaires australiens à Adélaïde, malgré le rapport des services secrets australiens qui désapprouvaient sa nomination. Bon, ces gens-là, ils ont été des marginaux institutionnellement parlant, même si leur apport historiographique est pour nous considérable. Michel Rieu-Sarcey. Je n'aime pas ce terme de justicier. Moi, j'essaye de faire une histoire qui est de l'ordre de la restitution des mots, du sens des mots, des acteurs qui sont des sujets, et ça veut dire restituer les tensions du moment. dans un événement, il y a celui qui advient avec la doxa du moment, et puis il y a aussi les possibles, c'est-à-dire restituer l'horizon des possibles. C'est pour ça que vous travaillez sur les utopies en particulier. Et l'horizon des possibles, ça veut dire un petit peu ce que disait Deleuze à un certain moment. Pour l'essentiel, disait-il, l'événement échappe à l'historien. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'historien écrit à partir des effets qui sont advenus. Et on oublie tout ce qui était en potentiel et qui renaît de manière discontinue. Alors là, ce n'est pas du tout une histoire de justicier. Et que je sache, Past and Present n'a absolument pas pensé l'histoire en termes de justicier. Pas mais du tout, du tout. Je n'ai pas du tout dit ça. Non, mais c'est ton expression. L'histoire. On se vous voit au micro, vous savez, même si on se tutoie. C'est un risque. Je souscris totalement à la formule de Daniel Roche dans Le Peuple de Paris lorsqu'il dit « Écrire sur le peuple, c'est choisir son camp ». Donc je n'ai aucun problème avec cela. Simplement, je crains l'excès qui peut exister. D'avoir personne n'est en excès, là. Ne vous sentez pas visé. Olivier Dumoulin. Mais c'est pas la peine de le dire. Je voulais rebondir sur les exemples britanniques qui ont été cités par Philippe Minard, parce que, en particulier, un livre qui a été co-dirigé par Hobsbawm et qui est maintenant traduit en français, sur l'invention des traditions, donne très très bien ce caractère démythifiant qui fait de la posture des historiens une posture critique. Et évidemment, alors il faut préciser pour nos auditeurs que l'invention de la tradition, c'est un travail collectif qui a été mené par Hobsbawm et par d'autres chercheurs qui étaient avec lui, autour de justement cette idée qu'il y aurait eu de tout temps, par exemple, telle ou telle tradition dans tel ou tel pays, et que ce de tout temps est remonté la plupart du temps à deux ou trois générations auparavant, et que c'était une invention relativement tardive qu'on avait totalement naturalisée en disant quelle était la nature même du peuple en question. Pour rebondir sur l'actualité, il suffit de lire ce livre pour savoir que le kilt est inventé à la fin du 18e. Très très dur évidemment pour la cause indépendantiste écossaise, si tant est qu'elle se soit associée à l'idée du kilt. Évidemment, elle peut être plus intelligente et ne pas se limiter au port du kilt. Mais voilà un exemple frappant. Et là, effectivement, Hobsbawm introduit une paille dans le récit constitué, dans l'histoire toute faite que nous trimballons tous malgré nous. Philippe Minard. Il y a aussi des moments où les historiens doivent prendre des risques face au pouvoir d'État. Et il faut saluer le courage de ceux qui, à certains moments cruciaux, savent prendre des risques. Je pense à la figure de Pierre Vidal-Naquet. Lorsque Vidal-Naquet écrit sur la torture en Algérie et dénonce l'affaire Audin, il y a là un acte... Avec des travaux d'historien, c'est-à-dire en employant la méthode historienne exactement, pour pouvoir exactement. C'est là où on voit combien le travail scientifique sérieux peut avoir une vertu de briseur de mythes, mais aussi de briseur d'oppression. Michel Rieu-Sarcey, puis Gérard Noriel. Alors là, je rejoins complètement Philippe Minard pour saluer la mémoire de Vidal-Naquet à ce propos. Et nous avons eu d'ailleurs un débat il y a quelques années à Blois à ce propos sur la torture en Algérie. Et un historien que je nommerai pas m'a dit on ne pouvait pas écrire sur la torture parce que les archives n'étaient pas ouvertes. Alors je lui ai dit heureusement qu'il y avait des historiens courageux qui n'ont pas attendu l'ouverture des archives pour essayer de réfléchir sur cette question-là. Gérard Noiriel, puis une question d'analyse. Effectivement, mais ce qui est important, c'est aussi de situer ces historiens par rapport au contexte politique dans lequel ils ont vécu. Eh oui, parce que on parle d'historiens un peu hors sol d'une certaine façon. Voilà. Qui va définir leur mode opératoire, leur manière d'agir, pétitionner, choisir un nouvel objet d'étude, C'est-à-dire protester contre l'université elle-même. C'est tout le problème, c'est-à-dire que dans cette logique qu'on évoquait par rapport à Vidal-Naquet, effectivement, on rejouait de certaine manière l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire qu'on pouvait, avec sa compétence d'historien, démontrer... D'ailleurs, il le disait lui-même. Oui, il l'a dit lui-même, oui. Alors que, je dirais, pour nous, aujourd'hui, par le fait, nous sommes dans un contexte où la violence politique, je dis bien... en France, dans l'Hexagone, etc. Je ne veux pas universaliser, mais la question ne se pose plus comme ça. Peut-être le problème va se poser pour des historiens qui vivent dans d'autres pays, qui sont confrontés exactement à la même chose. Et donc, pour nous, le problème qui est posé, ce serait de savoir comment rester fidèle pour ceux qui ont envie, mais à cette tradition-là. À ces héros-là, justement. À ces héros-là, en fonction du monde dans lequel nous vivons. Bon. Chacun, je crois, peut avoir des réponses différentes. Je crois effectivement que ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire la question des objets de recherche, c'est-à-dire faire par exemple une histoire par en bas ou inventer, utiliser ces outils d'historien pour étudier des mondes qui avaient été exclus, est une dimension. Mais moi, j'ai suis assez sensible aussi à une autre dimension qui est la transmission du savoir que nous produisons. C'est-à-dire qu'à qui allons-nous le destiner ? Est-ce qu'on le réserve à un public qui est quand même un public, disons, relativement privilégié, même si aujourd'hui les choses changent, dans l'accès à l'université, ou est-ce que, bon, ce qu'on appelle l'éducation populaire ou des formes d'intervention auprès d'autres publics n'est pas une des dimensions de, pas dire la rébellion, mais de choses qui ne sont pas habituelles et qui ne sont absolument pas considérées dans notre milieu. C'est pour ça, par exemple, que vous pensez qu'on peut passer par le théâtre ou par d'autres moyens pour pouvoir, enfin, je veux dire, pour pouvoir transmettre son savoir. D'action qui, auparavant, passait beaucoup par la politique. Hein, c'est-à-dire comme Thompson, par exemple, évidemment, quand on avait des liens forts avec un parti politique qui représentait des classes populaires, on avait de fait accès. Bon, aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus. Donc, quelles sont les nouvelles formes qu'on peut inventer ? On voit bien combien des minorités, parfois, donc par exemple les Noirs américains, lorsqu'ils veulent faire leur propre histoire, ou des parties de la population de l'humanité qui sont niées comme les femmes dans l'histoire des femmes dans les années 70, prennent cet objet historique et se disent, en créant l'objet historique, on va pouvoir faire changer la donne d'une certaine façon. Et là, elles sont, elles, des historiennes rebelles. Toute la tradition de l'histoire des femmes et du genre, Michel Rio-Sarcé, c'est cela, c'est se dire d'un seul coup, nous n'existons pas dans l'histoire, nous l'inventons cette histoire en allant chercher des sources, en inventant des méthodes et en inventant un type de rapport à ces sources-là, et Michel Rio-Sarcé. Effectivement, ça a été très difficile et je suis à l'heure actuelle, particulièrement satisfaite de constater que cette question est d'actualité, et là, pas par notre fait, mais dans la mesure où le genre a posé des questions à la société, ça nous oblige à être particulièrement éloquentes et particulièrement intéressées par le public qui reçoit ça. Mais il ne faut pas oublier que le processus critique qui a été le nôtre au début, notamment en ce qui concerne l'histoire du genre, il a fallu véritablement intervenir dans tous les milieux, dans toutes les revues, pour essayer d'expliquer ce que ça voulait déjà dire. Déjà au sein des historiens. Il faut déjà convaincre ses propres collègues, d'une certaine façon, de la nécessité de faire cette histoire telle que vous la faisiez, donc l'histoire du genre, avant de convaincre, comme le souhaite Gérard Noiriel, des populations qui sont plus éloignées de cette discipline historique. Pour définir tout simplement qu'est-ce que c'était que le genre. On l'a défini en 1988 et maintenant, on commence à savoir ce que ça veut dire. Et le genre, donc, j'en profite quand même pour dire que la signification profonde, bouleversante de l'écriture de l'histoire signifie les rapports de pouvoir qui s'instaurent entre les hommes et les femmes. Et du même coup, comment on construit les identités sociales. On a une initiative le 14 novembre sur cette question-là, qui aura lieu dans les locaux du ministère de la Recherche, justement avec les préoccupations que signalait Gérard Noiriel, c'est-à-dire de transmission. Pour toutes les disciplines, comment ça fonctionne, comment on peut transmettre cette idée sans bouleverser la totalité des modes de pensée et la totalité des relations entre les individus à l'heure actuelle dans la société. Olivier Dumoulin, puis Philippe Minard. Le cas de l'histoire du genre est particulièrement intéressant parce qu'elle crée une passerelle entre une rébellion, je dirais, d'ordre épistémologique savante, et une rébellion, cette fois-ci, sur le terrain politique. Puis Séverine Guillatard nous racontait la semaine dernière dans la Fabrique de l'Histoire l'importance de ces livres, en particulier autour de Michel Perrault, qui disait, voilà, y a-t-il une place pour les femmes dans l'histoire ? Mais au-delà de ça, c'est quel est l'argument fondamental ? L'histoire des femmes et l'histoire des gens. Oui, bien sûr, ça n'est pas la même chose, mais c'était une entrée en fracassante sur des femmes sur la scène politique, et puis on voit la scène publique et historique, et on voit comment ensuite le genre a transformé encore différemment. La passerelle que tu as soulignée, c'est que quelle était l'une des formes d'opposition pour écrire une histoire du genre, c'est-à-dire il n'y a pas de source. Pourquoi il n'y avait pas de source ? Parce qu'il n'y avait pas la démarche critique adaptée aux sources. Il faut savoir qu'une source n'est considérée comme source par les historiens, c'est notre gloire et notre infirmité, que lorsqu'on a construit une méthode critique. Donc on voit très bien comment la révolte contre l'état méthodologique de la discipline allait de pair avec soulever la chape de plomb qui faisait qu'une certaine dimension, qu'un certain regard absolument capital, n'était pas porté sur l'histoire. Il fallait interroger l'histoire autrement. Philippe Minard. Je souscris tout à fait à tout ce que vous dites, mais je voudrais rappeler que nous sommes sans cesse menacés par un double conformisme, le danger du conformisme académique, mais aussi parfois un certain conformisme de la dissidence, qui est quelquefois une posture un peu de salon. Expliquez-vous, qu'est-ce que vous entendez là ? Ce que je veux dire, c'est que je suis frappé par le fait que certains collègues ou certains historiens peuvent tenir des discours qui paraissent très progressistes, très dissidents, très exaltation des marges, et puis ne pas du tout mettre leur comportement quotidien en conformité avec cette posture. Et pour moi, la pierre de touche, c'est l'engagement pédagogique. Or, je suis frappé de voir que certains historiens qui, par exemple, exaltent le Parlement des Invisibles en ce moment, ne viennent pas faire leurs cours à l'université et ne s'occupent pas de leurs étudiants. Je crois que là, on a quelque chose. Est-ce que nous sommes capables de mettre en conformité nos prétentions intellectuelles et nos actes? Et pour moi, l'engagement pédagogique auprès des étudiants, s'agissant de la transmission, nous avons une mission civique, particulièrement lorsqu'on enseigne dans des universités de banlieue. Gérard Noiriel. Oui, moi je suis assez sensible à ce que dit Philippe, c'est parce que c'est un problème qu'on, enfin surtout les gens peut-être de ma génération ont vraiment touché du doigt, et c'est-à-dire les grands discours d'une génération très engagée, et puis progressivement avec le vieillissement, un désengagement ou même du coup des manières de rejoindre les formes les plus... Un désintérêt même. Un désintérêt, un cynisme même parfois. Donc cette question, je dirais, qui est peut-être de l'ordre de morale, c'est-à-dire c'est le problème aussi de ne pas ériger ses propres valeurs morales en normes absolues, mais qui est effectivement d'être quelque part en conformité entre les postures qu'on peut adopter et sa pratique au quotidien. Pour moi, c'est effectivement quelque chose d'important. Mais quand on y réfléchit vraiment, ça peut amener à des conséquences qui peuvent aller aussi jusqu'au retrait de la participation à un certain nombre de polémiques ou de débats intellectuels, parce que ça va apparaître justement comme une petite sphère qui finalement n'a plus de contact beaucoup avec la vie réelle. Et voilà, donc le risque est d'une forme de désenchantement. Surtout que quand non-historiens traitant d'histoire font des succès de librairies considérables. Considérables et contre lesquels on ne peut rien, voilà. Parce que si même on va leur apporter la critique, on leur donne une caution. Donc, si vous voulez, on est pris aussi. Donc, ça, je pense, ça peut induire à une certaine forme de retrait qui peut être... Ça, c'est la tension entre le monde scientifique et où on raisonne sur des arguments savants et fondés avec des preuves. Et puis... Le débat public. Le débat public, je veux dire médiatique. C'est-à-dire qu'un des problèmes, c'est le positionnement des historiens par rapport à la force la puissance médiatique. Il suffit de faire l'histrion à la télévision pour effectivement vendre beaucoup de livres, des livres qui ne sont pas des livres, des livres que ça ne vaut pas la peine, comme aurait dit Godard à propos des mauvais films. Mais pourtant, ils sont là. Oui, mais justement, par rapport à ce paysage médiatique, on a vraiment la sensation que la rébellion est aujourd'hui, dans le paysage médiatique, du côté de la réaction. De la réaction en termes d'histoire. On évoque là un débat qui a eu lieu autour de Vichy, de l'historiographie de Vichy, très récemment. Avec le livre d'Éric Zemmour, on peut le citer quand ça même. Y est, voilà, on l'a cité. On l'a dit. Et là, on a vraiment la sensation qu'on est dans une rébellion qui n'est pas du tout dans le progrès, qui n'est pas du tout dans la gauche, mais qui est réactionnaire. Mais ça veut dire que le monde intellectuel, il est comme le monde politique, dans une grande confusion, où aujourd'hui, les frontières sont un peu mouvantes dans le monde politique. Qu'est-ce que c'est que la droite? Qu'est-ce que c'est que la gauche dans les désillusions gouvernementales que nous connaissons? Eh bien, dans le monde intellectuel, il y a aussi une confusion parce que quelquefois, un certain nombre de vérités ne sont pas rappelées suffisamment fortement. Michel Rio-Sarcey. Il faut aussi... je suis complètement en accord avec ce que disait Gérard Noiriel sur la nécessité vraiment de la transmission. Et de ce point de vue-là, on doit être parfaitement conforme à nos points de vue, c'est-à-dire à la fois histoire critique, mais ça veut dire qu'on transmet aussi cette connaissance pour aider les étudiants à s'emparer et de l'histoire et de la pensée. Mais nous ne pouvons rien, à l'heure actuelle, l'histoire comme la totalité des débats intellectuels sont prises en charge par la société. Donc nous devons, nous, continuer à produire, transmettre les connaissances, mais en même temps expliquer ce que veut dire histoire critique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement avoir un point de vue sur la question du passé. On est tous ici parfaitement convaincus, j'en suis intimement, je suis à peu près certaine de ça, que l'histoire s'écrit au présent. Chacun d'entre nous se situe dans le présent, se situe dans le débat du présent. À partir de là, on essaye de repenser le passé pour non seulement comprendre ce qui se passe, mais surtout ce qui a été oublié. Donc, notre rôle d'historien spécifique, dirions-nous, c'est avoir les moyens de retrouver dans le passé ce qui est resté un petit peu dans l'ombre de l'histoire. C'est ce que vous voulez faire, en tous les cas, vous, Mais je crois que chacun d'entre nous est préoccupé de ça. Et la façon dont les médias, à l'heure actuelle, s'emparent de la scène publique, après tout, l'histoire n'appartient pas aux historiens en propre. Le passé appartient à la totalité des individus qui veulent bien se pencher sur le passé. C'est ce que dit le comité de vigilance des usages de l'histoire, par exemple, en l'occurrence, qui a été fondé. Vous avez fondé tous les deux, entre autres, avec d'autres. Olivier Dumoulin. Pour aller dans le même sens, c'est vrai que la vision des vaincus, et l'action des vaincus, pas simplement leur vision, c'est ce qui manquait à une histoire qui était borgne. Même encore l'histoire de la Troisième République, si elle s'intéressait aux vaincus, c'est aux vaincus qui finissaient par prendre le pouvoir. Quand Augustin Thierry, avant la Troisième, retrace la geste du tiers-État, parce que finalement, à ses yeux, le tiers-État a fini par arriver au pouvoir. Donc, donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas, c'est vrai que c'est un des grands défis qui s'est posé à nous. Je veux dire, quand le Congrès national des historiens australiens, je crois vers 2000, a passé sa réunion tout entière à parler uniquement des droits des aborigènes, c'était une véritable révolution. Jusque-là, les aborigènes sont des non-êtres dans l'histoire de l'Australie. Ils n'existent pas. On sait ce qui est advenu d'ailleurs de leurs enfants distribués à gauche et à droite. Donc, c'est véritablement ce qui nous est le plus propre. Parce que parler des vainqueurs, tout le monde peut en parler. Et c'est ça d'être historien, entre guillemets, puisqu'on conteste tout ce terme-là autour de cette table. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, rebelle ? Ça serait ça, être historien rebelle aujourd'hui ? C'est-à-dire de faire advenir, comme le dit, les passés qui ont été oubliés, comme le dit Michel Rio-Sarcé, des nouveaux objets, des nouvelles populations dont on ne parlait pas auparavant ? Non, rebelle, ça veut dire tout simplement, me semble-t-il, maintenant, ça veut dire ceux qui essayent de penser avec un pas de côté par rapport à l'histoire dominante, par rapport au bien-pensé, par rapport au consensus. On est dans une période extrêmement consensuelle. Alors, bien entendu, il y a toutes sortes de critiques qui émanent de la société. Donc, à nous, justement, de restituer la véritable histoire critique. Mais justement, l'année dernière, pendant les rendez-vous de Blois, dans l'émission Dans la fabrique de l'histoire, deux historiens ont demandé le droit à la dispute. Parfait. Et au débat. Nous disait, voilà, ces deux écoles, on parlait de la Première Guerre mondiale, deux écoles rivales sur l'historiographie de la Première Guerre mondiale, nous disent qu'elles se sont réconciliées très bien, mais nous demandons le droit à la conflictualité. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une rébellion, au moins formelle, dans la manière d'exposer générationnelle, publiquement peut-être. L'histoire mais je crois, non, c'est, à mon avis, ça n'est pas générationnel. Je crois que c'est indispensable, le droit à la dispute. Nous avons tous des points de vue différents, un regard différent sur le passé. Est-ce que c'est si simple à organiser quand beaucoup de gens ne veulent pas débattre entre eux, par exemple, aujourd'hui ? Ah, je pense que c'est difficile, puisque certains refusent le débat et d'autres le demandent de manière... Il y a toujours les certains des autres. Les autres le demandent à corps et à cri. Et à ce propos, on peut peut-être envisager le débat qui est en cours dans les médias. Mais si nous pouvions replacer ce débat au niveau où il se situe, je suis un petit peu surprise, moi, des cris qui sont poussés contre ceux qui se rebellent, contre l'idée dominante qui sévit à l'heure actuelle à Blois, et ceux qui essayent tout simplement de réfléchir sur le sens... Alors, soyons justes, il y a la place pour tout le monde à Blois. Il y a la place absolument pour tout le monde. Et je crois que répéter. Personne ne demande le boycott, puisque ceux qui se sont insurgés contre la venue... Pas la venue... Contre l'introduction inaugurale de Marcel Gauchet, qui, à mon avis, n'a pas grand-chose à dire sur la question du rebelle. Il dit que non, dans le Monde ce soir, vous pouvez lire. Alors qu'il y a vraiment... la première chose qu'il aurait été nécessaire de faire, c'est de définir, c'est d'expliquer, c'est de voir la floraison, la constellation du mot rebelle en histoire et dans le passé. Donc, ceux qui essayent de mettre un petit peu en cause cette question invitent tout le monde à discuter à la Bourse du Travail à Blois, samedi, entre 17h et 19h, pour débattre de la question. Ils ne demandent que débat. Olivier Dumoulin et puis Philippe Minard. Je ne veux pas jeter un seau d'eau froide sur le propos, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il s'agisse des termes officiels ou rebelles, ils sont totalement instrumentalisés. François Furet s'est présenté, alors moi ça me fait rire, mais qu'importe que ça me fasse rire, comme un rebelle face à une historiographie dominante de la Révolution française. Donc on a aussi, les mots nous coupent, on les fait rire et nous posent problème. Pour ça qu'ils sont, même si ça ne correspond pas, moi, à ce que j'appelle un rebelle, il s'est vu comme Et dans cette bataille, François Furet l'a emporté. Ouais. Philippe Minard. Mais ils ont accès. Je ne crois pas qu'on soit dans... Mon sentiment, je souscris à ce qui vient d'être dit, avec une petite nuance peut-être. Je ne crois pas que nous soyons dans une ère de consensus. Nous sommes plutôt dans une ère de conformisme. L'invitation de Marcel Gaucher à dire ce que sont les rebelles en inauguration du festival, c'est un petit peu l'expression de cela. Perry Anderson avait dénoncé chez Pierre Nora l'expression d'une pensée tiède. C'est ça dont nous crevons d'une certaine manière, ce conformisme-là. Pour autant, l'histoire, moi je ne mets pas le mot critique derrière histoire. Pour moi, l'histoire elle-même, elle porte en elle-même son potentiel critique, il n'y a pas besoin d'ajouter l'adjectif. Et ça ne se définit pas tant par des objets que par des méthodes. Et pour moi, la méthode de l'histoire, c'est celle de l'histoire sociale. Et je crois que c'est ça qu'il faut opposer au conformisme ambiant. Un dernier mot, Gérard Noriel. Vous évoquiez tout à l'heure la posture du retrait. On sait, par exemple, que dans les milieux qui contestent l'économie aujourd'hui, beaucoup de personnes considèrent que c'est la bonne posture, c'est-à-dire de ne plus participer, d'une certaine façon, de se retirer plutôt que de combattre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que j'ai trouvé intéressant votre analyse sur le retrait. Il y a eu un bouquin formidable qui est sorti récemment qui s'appelle Constellation aux éditions de l'Éclat, qui fait le compte de tous ces gens qui décident de sortir du jeu capitaliste, sortir du jeu de l'économie, etc. Alors, plutôt la confrontation ou plutôt le retrait? Cette démarche est très intéressante. Oui, disons, moi, c'est une question que je me suis longtemps posée en étant spécialiste des questions d'immigration. Sans arrêt, on a vu apparaître, disons, pour alimenter les polémiques, ces sollicitations qui nous demandaient à chaque fois, toutes les semaines, notamment dans la Corporation des journalistes, de se déterminer par rapport à la dernière phrase de Nicolas Sarkozy. Mmh. Et donc, effectivement, en venant avec une certaine naïveté, une certaine fraîcheur au départ... Vous ne l'avez plus, cette d'argumenter, enfin, moi, c'est ce qui m'a... C'est pour rétablir, je dirais, la connaissance, la vérité, que je me suis engagé dans ce type de sujet. Et petit à petit, effectivement, cette question que finalement, maintenant, la logique médiatique impliquait qu'on réponde, amène effectivement à se dire non, retirons-nous du retrait et organisons des choses, évidemment. Ça ne veut pas dire rester chez soi. Ne rien faire, bien sûr. Mais voilà, mais autrement, et c'est peut-être ça, à mon avis, qui est important aujourd'hui à penser et à développer. Merci beaucoup. On se retrouvera tous, ou peut-être pas tous, d'ailleurs, beaucoup d'entre nous seront à Blois dès cet après-midi. Il y aura des discussions, des débats. Vous avez évoqué celui que vous avez initié avec d'autres, Michel Rio-Sarcé. Il y aura beaucoup de débats qui seront organisés partout avec toutes les tendances de l'histoire et de l'historiographie. On imagine que ça va donc beaucoup discuter. Pour ma part, je serai dans un débat entre Zef, à propos de l'œuvre de Zef Sternel, et je pense que ça sera un débat assez animé, mais il y en aura beaucoup d'autres à Blois. On s'y retrouve cet après-midi et demain, on fait l'émission en direct ainsi que les matins de France Culture. Demain matin, une émission bien remplie d'ailleurs, il me semble. Voilà, ça va être bien rempli. On va donner le programme dès demain. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Bolivier, Aurélie Marcet, Stéphane Poitevin était à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter, réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez la télécharger pendant un an, mais également l'écouter pendant 3 ans sur le site. Vous pouvez laisser vos commentaires sur nos pages, ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Et vous êtes nombreux à y participer ou me suivre sur le réseau Twitter.